Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Cet été, les visiteurs et habitants du bassin de Pompey vont pouvoir découvrir ou redécouvrir le territoire à travers une belle série de visites guidées. Présentation en compagnie de Marina Bernier, directrice de l'Office du tourisme du bassin de Pompey. Je voulais mettre en avant déjà les animations qu'on organise sur des circuits touristiques. Il y a des circuits touristiques qui existent sur notre territoire et on va les animer cet été, notamment à Liverdun, avec une visite guidée de la cité médiévale. Et puis, pour les enfants, on organise une chasse au trésor sur le thème médiéval. On organise également des balades commentées sur le circuit de la Fonte à l'Acier à Pompey pour parler de l'histoire des aciéries qui ont marqué la ville pendant 114 ans. Des visites guidées également à Les Saint-Christophe, qui est le village dit aux mille fontaines, pour découvrir le patrimoine lié à l'eau. Ces circuits touristiques, vous pouvez également les faire en autonomie, avec un petit dépliant disponible sur demande auprès de notre office du tourisme. Et il y a également deux autres circuits, donc un à Bouxières aux Dames, qui évoque la vie des chanoinesses dans l'abbaye qui a marqué la ville, et puis également à Champigneul, entre histoire et nature. Champigneul qui est une ville qui laisse une place à la nature assez importante. Une petite précision, l'office de tourisme, vous êtes situé où ? On est situé à Liverdun, dans le château Corbin à Liverdun. Poursuivons un peu le tour d'horizon de ce qu'il y a à faire sur votre territoire. Alors, il y a des nouveautés cet été. L'Office du tourisme est associé à la ville de Toul, qui organise actuellement une rétrospective au musée d'art et d'histoire Michel Haché de Toul sur l'artiste du 19e siècle local, Lucien Quintard. Et c'est un artiste qui a vécu et a peint Liverdun. Et donc, on fait des visites pour rappeler un petit peu l'histoire de ce personnage. Il y a également une nouveauté, si vous préférez quelque chose de ludique. On a une enquête policière organisée à Froid, à la recherche du criminel dit le sautré. Il s'agit d'aider le guide à la découverte du patrimoine pour retrouver ce criminel. Et puis si vous préférez l'art, alors on a des rendez-vous avec les artistes qui sont organisés au parc du Château Corbin à Liverdun, les dimanches 10, 24 et 31 août. Et puis, enfin, il y a la communauté de communes qui fête ses 30 ans. Et à cette occasion, elle va proposer un festival, le festival Arboretum, avec des spectacles qui sont décalés de la Compagnie des Arbres et également des contes poétiques de Marie-Ève Thierry qui vont être organisés sur chaque commune du bassin de Pompey jusqu'au 20 juillet. Et enfin, elle propose également, la communauté de communes, son programme Curieux de Nature, avec des sorties qui sont à destination des familles pour observer, sentir, toucher la nature, passer un moment très convivial. Et des inscriptions se font auprès du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de Meurthe-et-Moselle, et c'est organisé tous les mois de juillet-août. Si on veut retrouver un peu tout le détail et toutes les dates aussi de ce que vous proposez, vous avez dit bien sûr l'Office de tourisme à Liverdun, mais aussi un site internet. On a un site internet, donc tourisme.bassinpompey.fr, et on a également une page Facebook, Maison du tourisme et des savoir-faire du bassin de Pompey, où vous pourrez retrouver tous ces éléments, les dates, les tarifs, et puis également, vous pouvez bien sûr nous contacter par téléphone au 03 83 24 40 40. Eh bien, merci beaucoup Marina Bernier pour cette immersion donc dans le bassin de Pompey, et bel été. Merci, bel été à vous aussi.